إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continue la lecture et la traduction du livre الملخص في شرح كتاب التوحيد، un livre de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab et une explication du Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Auteur, l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, entame le chapitre de ce qui est rapporté dans le fait que l'exagération à l'égard des tombes des vertueux est un fait qui, ou est une chose qui fait, qui rend ces tombes des vertueux comme des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. L'imam Malik rapporte dans son livre Al-Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité adorée. » Puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La colère d'Allah est grande envers un peuple qui prend les tombes de ses prophètes comme des lieux de prière. » قال الشيخ الفوزان حفظه الله: « مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد، وذلك بعبادة الأموات، كما أراد أيضا التحذير من الغلو في القبور. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, رحمه الله, après avoir mis en garde dans le chapitre précédent de l'exagération à l'égard des vertueux, il a voulu montrer dans ce chapitre que l'exagération dans les tombes est un moyen qui amène au polythéisme, ce même polythéisme qui contredit le tawhid. Et ceci amène à adorer les morts. Comme il a voulu également montrer dans ce chapitre l'interdiction ou la mise en garde contre l'exagération à l'égard des tombes. ترجمة الإمام مالك: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة، توفي سنة 79 رحمه الله تعالى. اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم المشددة زائدة، وثنا هو المعبود الذي لا صورة له كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأحجار ونحوها. La biographie, نعم, une brève présentation de l'imam Malik رحمه الله, qui est l'imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, qui est l'imam de la terre d'émigration, qui est Médine. Et c'est l'un des quatre imams des écoles réputées qui est décédé, rahimahullah, en l'an 179 de l'Hégire. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma, qui signifie « Oh Allah, Ya Allah » et « Al-Munada », normalement lorsqu'on appelle « Al-Munada », il est « Mansoub », mais ici il est « Marfou' »« Allahu » et le « Mim » avec la « Shadda » a été ajouté. « Wathanan »« Al-Wathan » c'est ce qui est adoré mais qui n'a pas d'image, qui n'a pas de représentation. Quand on dit n'a pas de représentation, ce n'est pas une statue, par exemple. Une statue, on l'appellerait as-sanam. De dire, d'appeler une statue wathan, ce n'est pas correct, car al-wathan, c'est ce qui n'a pas de représentation, comme les tombes, comme les arbres, comme les murs, les pierres et autres. المعنى الإجمالي للحديث خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا فراغب إلى ربه أن لا يجعل قبره كذلك ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى أنهما فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que sa communauté fasse sur sa tombe ce que les juifs et les chrétiens ont fait à l'égard des tombes de leurs prophètes, comme exagération jusqu'à ce que ces tombes soient adorées en dehors d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à Allah de faire en sorte que sa tombe ne soit pas ainsi, que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas ainsi. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré les causes qui ont fait que les juifs et les chrétiens ont encouru la grande colère d'Allah ainsi que sa malédiction. Et l'une des causes de cela est le fait qu'ils aient exagéré à l'égard des tombes des prophètes jusqu'à en faire des divinités adorées en dehors d'Allah. Ils sont alors tombés dans le grand polythéisme qui contredit le tawhid. Munasabatul hadith lilbab. أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبين ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Le chapitre qui est de ce qui est rapporté dans l'exagération des tombes des vertueux et le fait que cela amène, c'est-à-dire d'exagérer, à ce que ces tombes soient prises comme des divinités en dehors d'Allah. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Eh bien, l'exagération à l'égard des tombes amène à ce que celles-ci soient prises comme des divinités en dehors d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une divinité adorée. » Et il a expliqué cela, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, en parlant des juifs et des chrétiens, ou en parlant de ceux sur qui la colère d'Allah sera grande, ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. « Ma yustafadu min al-hadith »« An al-ghuluwa fi qubur al-anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad » ثانيا أن من الغلو في القبور اتخاذها مساجد وهذا يؤدي إلى الشرك ثالثا إثبات اتصاف الله سبحانه بالغضب على ما يليق بجلاله. Ce que l'on retient du hadith, trois choses. La première, que l'exagération à l'égard des tombes des prophètes amène à ce que ces mêmes tombes soient prises comme des divinités adorées. La deuxième chose que l'on retient de ce hadith est que le fait de prendre des tombes comme des lieux de prière fait partie de l'exagération dans les tombes. On ne prend pas les tombes comme des lieux de prière car cela amène au polythéisme. Et la troisième chose que l'on retient de ce hadith, c'est l'attribut de la colère dont Allah Azza wa Jal est doté. Et bien sûr, la colère d'Allah Azza wa Jal est propre à lui, Azza wa Jal, elle n'est en aucun cas, elle ne ressemble en aucun cas à la colère de ses créatures. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. ثم قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. Puis l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dit: et selon Ibn Jarir, il rapporte de sa chaîne de transmission, selon Soufiane, selon Mansour, selon Mujahid, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Najm, Surat les étoiles, le verset 19: Afara'aytum al-Lat wal-Uzza. Avez-vous donc vu al-Lat et al-Uzza, qui étaient deux divinités adorées par les polythéistes de Quraysh. Il a dit, Mujahid, qui fait partie des grands mufassirines du Coran. Il a dit, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Avez-vous vu اللَّاتَ et الْعُزَّى? Il a dit, كَانَ يَلُتُّ لَهُمُ السَّوِيقِ. Il mélangeait pour eux السَّوِيقِ. Al-sawiq, qui est un mélange de blé et d'orge, qui était une nourriture très consistante que mangeaient les Arabes au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort et ils se sont attachés et se réunissaient autour de sa tombe. En parlant de qui ici? De Lat. En parlant de Lat. Al-Lat, ça vient du terme Latta. Et Latta, ça signifie mélanger. Il est appelé Al-Lat car il mélangeait le blé et l'orge avec du gras afin que ce soit humide. Il faisait cela jusqu'à ce qu'il soit appelé Al-Lat. Et lorsqu'il mourut, lorsque cet homme qui rendait ce service aux gens mourut, eh bien, ils se sont ils se réunissaient autour de sa tombe jusqu'à ce qu'il soit pris comme une divinité adorée. Et Al-Lat était même l'une des plus grandes idoles des polythéistes. Et ainsi a dit Abu al-Jawza selon Ibn Abbas. Donc Abdullah ibn Abbas également explique cette parole d'Allah Azza wa Jal, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى, en parlant de Lat, qu'il mélangeait al-sawiq pour les pèlerins. Il mélangeait al-sawiq pour les pèlerins. At-Tarajim, les biographies. قال الشيخ الفوزان ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير مات سنة 1300 رحمه الله. ثانيا سفيان الأظهر أنه سفيان بن سعيد الثوري إمام حجة عابد مات سنة 61. ثالثا منصور هو ابن المعتمر ثقة فقيه مات سنة 32 رحمه الله. رابعا مجاهد هو ابن جبر ثقة إمام في التفسير أخذ عن ابن عباس وغيره مات سنة 400 رحمه الله. أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي ثقة مشهور مات سنة 83 رحمه الله. يلت السويق أي يخلطه بسمن ونحوه. لي بيوغرافي. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, rahimahullah, donne une brève biographie de toutes les personnes citées par l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, selon Ibn Jarir, qui est l'imam al-Hafid Muhammad ibn Jarir al-Tabari, celui qui a écrit le meilleur tafsir du Coran, qui est appelé tafsir al-Tabari, qui est mort en l'an 310 de l'Hégire, rahimahullah. La deuxième personne citée est Soufiane. Et Cheikh Al-Fawzan dit que ce qui apparaît est que Soufiane ici est Soufiane ibn Sa'id al-Thawri, qui était un imam connu pour le fait qu'il soit un adorateur. Il est mort en l'an 161 de l'Hégire, rahimahullah. Troisième personne citée est Mansour, qui est Ibn al-Mu'tamir, qui est un digne de confiance, un juriste, qui est mort en l'an 132 de l'Hégire, rahimahullah. Mujahid, qui est Ibn Jabr, digne de confiance, c'était un imam dans le tafsir. Et c'était également, il a pris la science de Abdullah ibn Abbas. C'était donc un élève de Abdullah ibn Abbas et d'autres que Abdullah ibn Abbas. Il est mort, rahimahullah, Mujahid, en l'an 104 de l'Hégire. Abu al-Jawza, qui rapporte de Abdullah ibn Abbas, et Aws ibn Abdillah al-Rab'i, un digne de confiance connu, qui est mort en l'an 83 de l'Hégire, rahimahullah. Puis, Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes du hadith. يلوت السويق أي يخلطه بسمن ونحوه عكفوا على قبره أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. يلوت السويق, il mélangeait le sawiq, c'est-à-dire il le mélangeait avec du gras ou autre. عكفوا على قبره, ils se sont réunis autour de sa tombe, c'est-à-dire qu'ils se rendaient à cette tombe et qu'ils prenaient l'habitude de s'y rendre et ils y restaient. Ils se rendaient dans la tombe de qui? De Lat. مناسبة الأثر للباب أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. Le contexte de ce athar dans le chapitre que l'on explique de Kitab al-Tawhid. Le contexte est que la cause qui a fait que Lat soit adoré en dehors d'Allah est l'exagération dans sa tombe jusqu'à ce qu'il ait été une divinité adorée en dehors d'Allah. ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Et selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a maudit les femmes qui visitent les tombes et celles qui prennent celles-ci, c'est-à-dire les tombes, comme des lieux de prière, et celles qui y placent des bougies. Le hadith est rapporté par Ahlus Sunan. Et Cheikh Al-Fawzan explique Ahlus Sunan, ay Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa lam yarwihi an-Nasa'i. Ahlus Sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, ce hadith n'a pas été rapporté par l'imam An-Nasa'i. زائرات القبور أي من النساء والسرج الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها. زائرات القبور, c'est-à-dire celles qui visitent les tombes parmi les femmes. Et السرج, ce sont ceux qui allument les bougies sur les tombes afin de les éclairer. معنى الحديث إجمالا يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزورن القبور لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن ولعن الذين يتخذون القبور مواطن عباده أو يضيئونها بالسرج والقناديل لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la malédiction, invoque par la malédiction, c'est-à-dire le fait d'être éloigné et d'être exclu de la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque par la malédiction les femmes qui visitent les tombes, car la visite des tombes des femmes en découle des choses néfastes, comme les lamentations, comme al-jaza', le fait de montrer la douleur, et le fait également et le fait d'être une tentation pour les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration, ou ceux qui les éclairent avec des bougies ou des guirlandes, car ceci est une exagération qui amène au polythéisme. مناسبه الحديث للباب انه يدل على تحريم الغلو في القبور لان ذلك يصيرها اوثانا تعبد. Le contexte de ce hadith, dans ce chapitre, il y a dans ce hadith une preuve de l'interdiction d'exagérer à l'égard des tombes, car ceci amène à ce que celles-ci soient prises comme des divinités adorées. ما يستفاد من الحديث تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة لأنه يفضي إلى الشرك. Ce que nous retient du hadith, premièrement, l'interdiction d'exagérer à l'égard des tombes et de les prendre comme des lieux d'adoration, car ceci amène au polythéisme. Salam. ثانيا تحريم تنوير المقابر لأن ذلك وسيلة لعبادتها. Deuxièmement, l'interdiction d'éclairer les tombes, car ceci est un moyen qui amène à ce que ces tombes soient adorées. ثالثا أن الغلو في القبور من الكبائر. Troisièmement, que l'exagération à l'égard des tombes fait partie des grands péchés. Comment est-ce qu'on le déduit? Que c'est un grand péché. Car le professeur Salam a maudit celui qui le fait. Et les péchés qui ont pour conséquence la malédiction sont des grands péchés. رابعا أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك لا لأجل النجاسة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن بين اتخاذها مساجد وإسراجها ولعن على الأمرين وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة فكاد الصلاة عندها. Quatrièmement, ici, Cheikh Al-Fawzan dit que la cause de l'interdiction de prier auprès des tombes, c'est la peur du shirk, et ce n'est pas à cause d'une impureté. Le prophète sallam nous interdit de prier auprès des tombes, non pas parce que les tombes sont impures, mais de peur de sombrer dans le shirk. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le fait de prendre les tombes comme un lieu de prière ou de les éclairer par des guirlandes ou des bougies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les deux sortes, ceux qui prient et ceux qui les éclairent. Or, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit celui qui éclaire les tombes, est-ce que c'est parce que les tombes sont impures? Est-ce que c'est parce que les tombes sont impures? Non. Donc, il en est de même pour les prières. Le professeur Hassam nous interdit de prier auprès des tombes, non pas parce qu'elles sont impures, mais parce que cela amène au polythéisme. Et il est important de connaître ça, car certains vont vous dire que les savants qui interdisent de prier des tombes, ils parlent des tombes qui sont impur, là où il y a des impuretés. Mais là, l'endroit n'est pas impur. Et là, on lui dit stop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier auprès des tombes, non pas parce qu'il y a une quelconque impureté, mais parce que ça amène au shirk. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يؤصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Puis l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, entame le chapitre de ce qui est rapporté dans la préservation du prophète sallallahu alayhi wa sallam du tawhid et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fermé toute issue qui amènerait au shirk. Et la parole d'Allah azza wa jal dans surat At-Tawbah, le verset 128, certes, un messager parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Azizun alayhi ma'anittum. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, tamam al-ayah, harisun alaykum bil-mu'minina ra'ufur rahim. La fin du verset est la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est plein de motivation pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, رحمه الله, après avoir expliqué dans les chapitres précédents quelques points qui montrent la préservation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard du tawhid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préservait le tawhid. Il a voulu montrer dans ce chapitre la préservation personnelle que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du tawhid. المصطفى هو المختار جناب أي جانب جاءكم يا معشر العرب من أنفسكم من جنسكم وبلغتكم عزيز عليه أي شديد عليه جدا وهو خبر مقدم ما عنتم ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر حريص عليكم أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع العاجل والآجل لكم بالمؤمنين أي لا بغيرهم رؤوف بليغ الشفقة رحيم بليغ الرحمة. Puis Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes cités par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Le chapitre de ce qui est rapporté dans la préservation du Mustafa. Mustafa qui est Al-Mukhtar, l'élu. Sallallahu alayhi wa sallam. Janab, le côté du Tawhid. Ja'akum, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 128 de Surat Al-Tawbah, est venu à vous, c'est-à-dire à vous, ô les Arabes. Un messager parmi vous, min anfusikum, c'est-à-dire qui fait partie de vous et qui parle votre langue. Azizun alayhi, pèse lourd, c'est-à-dire que sont extrêmement lourds pour lui, ma anittum, les difficultés que vous subissez, c'est-à-dire les difficultés que vous rencontrez et le mal qui peut vous atteindre comme mécréance, égarement, comme le fait d'être tué ou d'être emprisonné. Harisun alaykum, il est plein de motivation pour vous, c'est-à-dire qu'il est motivé et qu'il a la grande volonté de vous guider. Et que le bien immédiat et futur soit pour vous. Bil mu'minin, il est envers les croyants, c'est-à-dire qu'il est uniquement envers les croyants. Ra'oufun, compatissant, rahimun, miséricordieux. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabili l'imtinan. أنه بعث فيهم رسولا عظيما من جنسهم وبلغتهم، يشق عليه جدا ما يشق عليهم، ويؤذيهم ما يؤذيهم، شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم. Leçon générale de ce verset. Allah Azza wa Jal informe ses serviteurs dans le but de leur montrer les bienfaits dont il les comble, qu'il leur a envoyé un prophète immense parmi eux et qui parle leur langue, et que ce prophète pèse lourd pour lui les difficultés qu'il rencontre, c'est-à-dire que ses croyants rencontrent, et que lui fait mal ce qui leur fait mal. Et ce prophète est extrêmement motivé à les guider et au fait que les bienfaits les enveloppent. Il est extrêmement compatissant et miséricordieux envers les croyants uniquement. مناسبة الآية للباب أن هذه الأوصاف المذكورة فيها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن هذا هو المقصود الأعظم في رسالته. Le contexte de ce chapitre, de ce verset afouan dans ce chapitre. Ces caractéristiques citées qui caractérisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam imposent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mis en garde et avertit sa communauté contre le shirk, car c'est le plus immense des péchés, et c'est également le but immense de son message sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? ما يستفاد من الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الشرك وباعدها منه وسد كل طريق يفضي بها إليه. Ce que nous retient du verset, premièrement, que le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde sa communauté contre le shirk et a éloigné sa communauté du shirk et a fermé toutes les voies qui amèneraient sa communauté au shirk. ثانيا التنبيه على نعمة الله على عباده بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم وكونه منهم. Deuxièmement, dans ce verset nous interpelle le bienfait d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs, en le fait qu'il leur ait envoyé ce prophète béni et le fait que ce prophète fasse partie de. ثالثا مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من صميم العرب وأشرفهم بيتا ونسبا. Il y a également dans ce verset l'éloge de la lignée du prophète صلى الله عليه وسلم qui faisait partie des Arabes, et parmi les Arabes il faisait partie de ceux qui avaient la plus noble des lignées. رابعا بيان رأفته ورحمته بالمؤمنين. Quatrièmement, il y a dans ce verset l'explication et la démonstration de la grande compassion et miséricorde du prophète صلى الله عليه وسلم envers les croyants. خامسا فيها دليل على غلظته وشدته على الكفار والمنافقين. Cinquièmement, il y a dans ce verset une preuve de la dureté et de la sévérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard des non-musulmans et des hypocrites. ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جي إسلو أبو هريرة رضي الله عنه الجيل بخفات صلى الله عليه وسلم أجي Ne faites pas de vos maisons des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de fête, et priez sur moi, votre prière me parviendra où que vous soyez. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission jugée bonne, dont les rapporteurs sont dignes de confiance. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور ولا تجعلوا قبري عيدا العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه والتردد عليه. الشيخ الفوزان حفظه الله دي en expliquant la parole du prophète صلى الله عليه وسلم ne faites pas de vos maisons des tombes, c'est-à-dire ne privez pas vos maisons de prières surérogatoires, d'invocations et de lectures, car sinon elles auraient le statut de tombe. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas de ma tombe un lieu de fête, c'est al-Eid en arabe, c'est ce qui vient de façon répétée, ou de façon habituelle, dont que ce soit dans un temps donné ou dans un lieu donné. C'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe comme un lieu de réunion dans lequel vous auriez l'habitude de venir pour y prier et invoquer ou autre. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. Vos prières me parviendront où que vous soyez. C'est-à-dire que les prières que vous ferez pour moi, et les prières ici, c'est les invocations, et c'est également les éloges d'Allah. Lorsque l'on dit « Allahumma salli ala Muhammad » ou « Allah prie sur Muhammad », c'est-à-dire « fait » l'éloge de Muhammad auprès des habitants des cieux. Et ça, on l'avait vu dans la conférence qu'on avait faite sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que vos prières me parviennent que vous soyez proche ou lointain de ma tombe. Il n'y a donc pas besoin que vous veniez dans ma tombe et que vous preniez l'habitude d'y venir. المعنى الإجمالي للحديث, le sens général du hadith. نهى صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك ونهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجة إلى انتياب قبره. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit dans ce hadith de priver les maisons de prières surérogatoires, d'invocation, de lecture du Coran, de peur qu'elles n'aient le statut d'une tombe. Car l'interdiction de prier dans une tombe était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a donc interdit de faire de leur maison des tombes. Il a également interdit le fait de visiter sa tombe et de s'y réunir de façon habituelle afin d'y invoquer ou de se rapprocher, car ceci est un moyen qui amène au shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se contenter de prier sur lui de façon conséquente dans n'importe quel endroit de la terre, et que cette prière lui parviendra, que cette personne soit proche ou éloignée, et qu'il n'y a donc pas besoin de se rendre dans, auprès de sa tombe, sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الحديث للباب أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, il y a une condamnation du shirk. Et il y a dans ce hadith une fermeture de toutes les voies qui amènent au shirk. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith qu'on ne prie pas auprès des tombes. Et il a interdit de se réunir auprès de sa tombe et de prendre l'habitude de s'y rendre. Car ceci amène au shirk. Ma yustafadu min al hadith. أولا سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, le fait de fermer toute porte qui amène au shirk, comme le fait de prier auprès des tombes et d'exagérer vis-à-vis de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant sa tombe comme un lieu de réunion ou un lieu de rencontre dans lequel l'on organiserait des visites particulières. ثانيا مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض. Deuxièmement, qu'il est légiféré de prier et de saluer le prophète صلى الله عليه وسلم dans n'importe quel endroit de la terre. ثالثا أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, on retient qu'il n'y a pas de particularité à être proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les prières et les saluts arrivent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel que soit l'endroit où on se trouve, que l'on soit proche ou loin, de la même façon. Rabi'an al-man'u min al-safari li ziyarati qabrihi sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, on retient ce hadith, l'interdiction de voyager pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se rend à Médine pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas pour visiter sa tombe. Khamisan, himayatuhu sallallahu alayhi wa sallam janab at-tawhid. Cinquièmement, on retient de ce hadith la préservation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du tawhid. On aktafi bihada al-qadr wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.